ma chère. J'ai pas envie de faire l'amour aujourd'hui. Sur le tapis, c'est cher, mon cher, très cher, ma chère. J'ai pas envie, voulez-vous retirer? Je vous l'ai dit, c'est cher, mon cher, très cher, ma chère. J'ai tous les vices de la terre, si vous y mettez le prix, je me laisserai bien faire, mais pas d'ici. C'est cher, mon cher, très cher, ma chère. Non, pas ici, emmenez-moi donc dîner, je vous en prie, c'est cher, mon cher, très cher, ma chère. Je vous en prie, attendez donc le café, soyez gentil, c'est cher, mon cher, très cher, ma chère. J'ai tous les vices de la terre, si vous y mettez le prix, je me laisserai bien faire. C'est cher, ma chère, très cher, mon cher. C'est cher, très cher, très cher, ma chère. C'est cher.